Минул. Партия 1. Прослушайте текст и скажите, о чем говорили героини. Je m'appelle Valentine. Je fais mes études à l'école. J'habite avec mon père, ma mère, ma sœur aînée. Elle s'appelle Marie. Elle fait ses études dans un institut. Elle est très sérieuse. Un jour, quand je rentre à la maison, je vois une femme avec un petit chat dans ses bras. J'aime beaucoup les animaux. Je m'approche de la femme et je regarde le chat. « Aimes-tu les chats ?» demande la femme. « Oh oui, mais votre chat est très original, il est très mignon. »« Comment s'appelle-t-il » ? C'est le chat Minou, il a 10 mois. Il est très gentil, il est très intelligent, il n'est pas méchant. Si tu veux, je peux t'offrir Minou, veux-tu ? Et pourquoi vous voulez me donner Minou s'il est si gentil ? Demain, je dois partir dans une autre ville. Je ne peux pas prendre Minou avec moi. Je ne peux pas le laisser seul à la maison. Il faut lui donner de la nourriture. Prends Minou, il te donnera beaucoup de satisfaction. Minou est vraiment très mignon. Il est de couleur pâle. Il a des pattes brunes. Ses oreilles sont presque noires. Sa queue est noire et longue. Ses yeux sont bleus. Ce n'est pas un chat ordinaire. C'est un chat siamois. J'ai lu un livre sur les chats siamois. Ils ont les habitudes d'une panthère. Ils sont très intelligents. Parfois, ils sont méchants. Enfin, je me décide. Je prends Minou.